طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في مقدمة المؤلف وقد ذكر فيها أهمية أو أهمية الصلوات المفروضة، وذكر منها بعض الأشياء، ووصلنا إلى قوله والصلاة نور، والصلاة نور. Donc on est toujours dans l'introduction de l'auteur, une introduction dans laquelle il a commencé par évoquer les bienfaits de la prière obligatoire. Donc là, comme on répète, on est dans un livre qui a pour sujet la prière du Fajr. La prière du Fajr. Et avant qu'on rentre dans les mérites et les bienfaits, ainsi que les différents points relatifs à la prière du Fajr, l'auteur a évoqué tout d'abord le degré de la prière obligatoire en islam. Donc il a évoqué plusieurs points, et on est arrivé au point où il dit « وَالصَّلَاتُ نُورٌ » et la prière, c'est-à-dire la prière obligatoire, est une lumière. « لِمَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكَ الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصلاة نور. Donc la lumière, la prière est une lumière, et ceci en concordance avec le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, où le prophète عليه الصلاة والسلام évoque clairement cela. والصلاه نور والصدقات برهان والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك الحديث. نعم. ف ما معنى نور؟ Quel est le sens de la lumière ها هنا؟ La lumière dans le cœur du croyant. Et il basira. Al basira. Allah subhanahu wa ta'ala yubsiru bihadihi as-salawat al-mafrouda yubsiru ibadah fima yanfa'uhum fi dunya fi dunyahum wa ukhrahum. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il éclaircit au croyant le chemin à suivre dans ce qu'il aurait utile dans ce bas monde et dans l'au-delà. Par la cause de quoi? Par la cause de cette lumière qui vient de leur prière. Non. ثم قال والصلاة برهان والصلاة برهان لأهلها يوم القيامة. Non. Et aussi parmi les mérites de la prière obligatoire, le fait qu'elle est une preuve pour ses adeptes le jour de la résurrection. لما أخرجه الإمام أحمد من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة برهان في حديث طويل وهذا شاهدنا منه. نعم. Ceci كذلك est en conformité avec un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام qu'a rapporté l'imam Ahmed. Et c'est un hadith jugé bon, où le prophète alayhi salatu wassalam dit explicitement que la prière est une preuve. Une preuve de quoi, ya ikhwan? As-salatu burhan li ahliha yawm al-qiyam. Annahum kanu ala imanin billahi azza wa jal. C'est une preuve qui indique que ses adeptes, les adeptes de cette prière obligatoire, était bel et bien sur une croyance, était bien et bel et bien sur une foi la foi en Allah Azza wa Jal. Fa alladhi la yusalli falaysa lahu burhan 'inda Allah 'ala dhalik. Et donc celui qui n'accomplit pas la prière obligatoire, il n'a pas de preuve. Il n'a pas de véritable preuve sur sa foi. Na'am. طيب ثم قال وأن الصلاة سبب لتكفير الخطايا والآثام سبب لتكفير الخطايا والآثام وكذلك هذا من أعظم فوائد إقامة الصلاة أنها سبب لمغفرة الله عز وجل لأصحابها يوسي parmi les mérites de la prière obligatoire ou d'accomplir la prière obligatoire, le fait qu'elle est une cause dans la dissipation des péchés et des erreurs. C'est-à-dire dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés et les erreurs. Qala Allahu azza wa jal, et ceci en vue de la parole d'Allah azza wa jal, وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, selon une traduction approximative, et accomplit la prière durant une partie de la journée ainsi qu'une partie de la nuit, certes les bonnes actions effacent les mauvaises. Ceci est un rappel pour toute personne qui évoque le nom d'Allah. Naam. وسبب ثم قال وسبب نزولها كما في الصحيحين حديث ابن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله هذه الآية. Donc ce verset qu'on vient de vous lire, il est descendu par la cause d'un compagnon. Et ce compagnon-là, قدر الله عليه أن يقع فيما وقع من الأخطاء. Allah avait décrété pour lui qu'il allait tomber dans ce qu'il est tombé comme erreur. Et lui, parmi les péchés dans lesquels il est tombé, il a embrassé une femme. نعم يا إخوان. وهذا هذا يدلنا على أن البشر مهما كان فضله ومهما كان علمه لا يسلم من الخطأ ولا يسلم من الزلل ولا يسلم من الذنوب. فالمعصوم من عصمه الله عز وجل. Et donc ça doit nous montrer que l'être humain, peu importe son degré, peu importe sa science, peu importe sa foi, il n'est pas exempt de tomber dans certaines erreurs ou dans certains péchés. فهذا صحابة رسول الله فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع من هذا الصحابي الجليل ما سمعتمو. Donc ça, c'est les meilleurs des compagnons, c'est les meilleurs des êtres humains, c'est-à-dire les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est les meilleurs des êtres humains après les prophètes et les messagers. Et malgré tout, certains d'entre eux sont tombés dans des péchés comme cela est le cas de ce compagnon. Donc, il a embrassé une femme et il est venu trouver le prophète alayhi salatu wassalam pour l'en informer. Et ça montre كذلك صدقهم في التوبة صدقهم في التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه. Ça montre encore leur véracité et leur engouement à revenir vers Allah Azza wa Jal lorsqu'ils commettent un péché. فكل بنو آدم خطأ. Chaque enfant d'Adam, il est proie au péché. حتى As-Sahaba, même si ils sont des compagnons, il se peut qu'ils tombent dans le péché. Lakin ma huwa al-farq bayna at-tawbah bayna tawbati as-sahaba wa tawbatina nahnu al-farq fi sur'ati ruju'ihim ila Allah 'azza wa jalla. فهؤلاء أول ما عرفوا من أنفسهم الخطأ يرجعون إلى الله مباشرة بصدق التوبة وإخلاص تام. Et la différence entre le repentir des compagnons et celui de la plupart des gens aujourd'hui, il se fait dans la rapidité à revenir à Allah Azza wa Jalla. فالصحابة dès qu'ils constataient de leur propre personne qu'ils sont tombés dans une khata, ils se précipitaient pour revenir à Allah Azza wa Jal. À la kulli hal, donc ce compagnon-là, il a embrassé une femme et il est venu trouver le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est là que le verset est descendu. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Accomplis la prière une partie de la journée ainsi que de la nuit ». Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. C'est-à-dire le fait que tu pries dans ces heures de la journée, ça va effacer ce péché. Subhanallah et Iqan. Hadi fa'ida azima min as-salawati al-mafrouda annaha sababun li takfir al-khataya wal-atham. Naam. Faqala as-sahabi lam le compagnon lorsqu'il a entendu les versets. فقال ألي هذا يا رسول الله ألي هذا يا رسول الله. Est-ce que cela est spécifique à moi? Est-ce que ce verset il est spécifique à moi? C'est-à-dire il ne concerne que moi et personne d'autre. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمتي كلهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم de répondre et de dire non, bien au contraire, ce verset est global. Et il englobe la totale de ma communauté. La totalité de ma communauté. La totalité de ma communauté. Wa hadi min si'at rahmatillah azza wa jal. Annahu yassara lana ma yukaffiru anna al-dhunub. Na'am. Wa kadhalika mimma yadullu ala anna as-salah سبب لتكفير الخطايا والآثام ما أخرجه الإمام مسلم عن حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans un autre hadith qui a rapporté l'imam Muslim d'après Abi Huraira, il dit ne vous indiquerai-je donc pas une chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés et élève en degré. Donc non seulement la salat c'est une cause de la dissipation des péchés, mais c'est aussi une cause de l'élévation en degré. Qalu bala ya Rasulullah, ils ont demandé bien sûr ya Rasulullah, on veut savoir quelle est la chose qui procure le pardon des péchés et l'élévation en degré. Qala isbagh al-wudu 'ala al-makarih. Le fait de pratiquer les ablutions dans une gêne. C'est-à-dire lorsque on ne trouve pas par exemple d'eau chaude et qu'on a légèrement froid, le fait de faire les ablutions avec de l'eau froide, ça fait partie des œuvres parmi lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il dissipe les péchés, il pardonne les péchés et il élève en degré. Bien sûr, quand on dit le fait de faire les ablutions ala al-makarih, ça ne sous-entend pas le fait de se rendre malade. Si tu sais que utiliser l'eau dans un certain temps de la journée, ça peut te rendre malade, alors tu te dois de délaisser cela pour at-tayammum. Al-qa'ida al-thabita al-mashaqqa tajlibu at-taysir. Et ceci en vue de la règle confirmée, la règle qui fait partie des bases islamiques, qui dit que lorsque on se retrouve dans une difficulté anormale, alors on se doit de pratiquer la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée. Donc, إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. Et aussi le fait de multiplier les pas vers les mosquées. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. Et le fait de multiplier les pas vers la mosquée et le fait d'attendre après la prière jusqu'à une autre prière. Tout ça, ce sont des œuvres qui amènent le pardon d'Allah Azza wa Jal ainsi que l'élévation en degré. Naam. Wa kadhalika fi sahihayn. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم أو كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ Et dans un autre hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit: voyez-vous donc si devant la porte de l'un d'entre vous se trouve un fleuve et qu'il vienne à se laver dans ce fleuve 5 fois par jour, est-ce qu'il restera sur son corps une trace de souillure? Donc les compagnons, ils ont répondu, il ne lui restera aucune trace de souillure. Et donc le prophète, il dit, ceci est comparable aux 5 prières avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés. نعم. و يعني نختم كذلك بحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخشى الكبائر Et on termine sur ce hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, dit les 5 prières, ainsi que du vendredi au vendredi, il y a une expiation des péchés pour celui qui ne commet pas de grands péchés. Ça veut dire, celui qui ne commet pas de grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui expie automatiquement ses petits péchés. Entre chaque, les petits péchés qu'il commet entre chaque prière. Amma, s'il s'agit des grands péchés, les grands péchés, ça, on est obligé de faire tawbah. On est obligé de s'en repentir auprès d'Allah Azza wa Jal pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les pardonne. Naam. Et est-ce que le tawbah est en lien obligatoirement avec la prière, c'est-à-dire est-ce que pour faire tawbah, je dois faire 2 unités de prière? Indak ya Mohamed. Là, je peux faire tawbah sans faire 2 unités de prière. Naam. Naam. Fa tawbah huwa al-inqila' 'an al-dhanb wal-nadam wal-hirs 'ala 'adam ar-ruju' ilayh. Parce qu'en vérité, le tawbah, c'est le fait de délaisser le péché, de le regretter et de s'efforcer de ne plus jamais le recommencer. Donc le tawbah, c'est une œuvre qui se trouve dans le cœur. C'est une œuvre qui se trouve dans le cœur et qui a effet sur la langue et sur les membres. Wa ila huna wa subhanaka allahumma hamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Thank you.